devoir de Sangar. Depuis que Sangar était enfermé dans cette prison fraîche et sombre, il n'avait plus eu d'autre notion que celle d'un long et profond repos. Cela n'était pas pour lui déplaire, après toutes les émotions qu'il venait de traverser. Surpris par l'obscurité, succédant sans transition à l'éclat du jour, le taureau, qui jamais encore n'avait été privé totalement de lumière, resta un moment immobile, comme saisi d'une crainte vague. Puis, parce que rien ne bougeait plus dans cette ombre, que le silence était rassurant, et surtout parce que ses yeux commençaient à s'accoutumer à l'obscurité et à distinguer les choses, Sangar, peu à peu, reprit possession de lui-même et ne songea plus qu'à jouir du calme et de la fraîcheur. Il se coucha sur l'épaisse litière de paille, devant un tas de fourrage, et se mit paisiblement à manger ce qui lui était offert, sans chercher le pourquoi de ces choses. Il entendait d'autres taureaux prisonniers aussi, et qui n'étaient séparés de lui que par des cloisons de planches. C'étaient ses camarades de la manade, ceux qui avaient été triés le matin avec lui, qui avaient fait la rude abrivade, le long de la grande roubine et dans les rues des Saintes, au milieu de la poussière, du soleil, des cris et des coups de bâton. Note, abrivade, la charge, la rentrée des bœufs dans le village. De abriva, chargé. Voir au chapitre suivant, l'abrivade. Fin de note. Ils étaient maintenant dans la paix obscure comme lui. L'un d'eux ne pouvant probablement pas se résigner à sa captivité, car Sangar entendait ses mugissements de colère et les violents coups de corne qu'il lançait dans les planches. Sangar admira cette rage, mais quant à lui, il ne la partageait point. Il se contentait de manger son foin, couché sur la paille. Il trouvait profondément ridicule qu'un taureau qui se respecte usât de sa force au risque d'émousser ses cornes contre des choses inanimées. Pour l'instant, rien ne le menaçait, alors il se tenait tranquille, ruminant et réfléchissant, mais prêt à bondir sur le premier individu qui se présenterait à lui et à lui faire chèrement payer les coups de trident et de pierre qu'il avait reçus durant la brivade. Le temps passa. Des hommes vinrent un moment qu'il connaissait pour des gardiens de la manade. Ils marchaient sur des poutres au-dessus de lui. Il se leva. Ils lui lancèrent des sedaines aux cornes, le maintinrent un instant le front haut, malgré ses efforts. L'un d'eux se pencha vers lui. Note. Sedaines, corde de crin tressée qui constitue le lasso des gardiens camargués. Fin de note. Il sentit deux mains qui s'occupaient autour de ses cornes. Il eut la sensation de quelque chose s'enroulant autour de leur base et sur son front. On dénoua les sedaines pour le laisser aller. Il lança un 20 coups de corne contre les mains qui s'agitaient encore près de sa tête, se recoucha et de nouveau attendit, car les hommes avaient disparu. On venait de fixer pour la première fois la cocarde rouge sur son front velu. Une chasse ou corde de fouet solide et fine, décrivant un 8, passait derrière chacune des cornes et venait se croiser sur le front. C'est à ce croisement que le gardien avait attaché le petit nœud de laine rouge bien serré au milieu du poil épais afin qu'il fût plus solide et que les crochets des raseteurs aient plus de peine à le détacher. La corde le gêna un instant, et il se gratta contre la cloison, mais il s'y habitua vite. Puis d'autres choses apportèrent une distraction à l'irritation qui montait en lui. Des mouches bourdonnaient dans l'ombre, un rat courut dans la litière. Il ne pensa plus à sa colère, se recoucha et se rendormit. C'était en somme ce qu'il avait de mieux à faire. Une rumeur le réveilla. Des gens marchèrent à nouveau sur les poutres qui formaient le plafond de sa prison. Il entendit comme le bruissement d'un immense essaim d'abeilles, comme le vrombissement de ces énormes vols de moustiques qui dansent au crépuscule le long des roubines et tournoient en chantant dans l'air du soir. Note, roubine, canal d'assèchement dans les terres basses de la Camargue. Fin de note. Il lui sembla cependant que cette rumeur était faite d'une multitude de voix humaines, confuses et indistinctes. Puis il entendit les gardiens placés sur les poutres fourrager quelque part avec un trident, dont le fer heurtait les planches. Une porte cria. Il y eut le bruit de la fuite rapide d'un taureau dont la corne frappa contre une pierre. L'un de ses compagnons recouvrait la liberté. Le bruit se changea en clameur, puis il se tut pour reprendre à nouveau, s'enfla, s'apaisa, dans de rapides et larges modulations qui lui apportaient des cris, des trépignements, des jurons et des bravos. Parfois un coup de trompette résonnait, et à chaque fois la foule y répondait par une acclamation et des applaudissements. Il y eut un petit silence, coupé de 3 ou 4 interjections. Puis il entendit un grand cri « Ah !» et le battement de nombreuses mains. Une porte s'ouvrit à nouveau en claquant. Il entendit un trot qu'il reconnut, celui de Roga, le bœuf dompteur, puis celui de son camarade qui rentrait. Les hommes, à nouveau, marchèrent sur les poutres. La porte se referma. Il y eut un colloque, là-haut, auquel il s'intéressa tout de suite, car il reconnut son nom que prononçaient les hommes. Les gardiens vinrent au-dessus de lui. Une porte s'ouvrit dans la cloison, donnant sur un couloir qui aboutissait à une place en plein jour. Cela faisait un grand carré de lumière au bout du couloir sombre. Dans ce carré, il vit des mouches d'abord, de grosses mouches nimbées de soleil qui zigzaguaient en bourdonnant. Derrière, la place ensoleillée. Des hommes traversèrent devant la porte en courant. Des cris venaient plus distincts et plus vifs, et des rires et des chansons. Un trident, comme il s'arrêtait pour réfléchir et regarder tout cela, si nouveau pour lui, le piqua sur la croupe. Il lança une ruade, fit un bond en avant et se trouva devant la porte. Une bouffée d'air marin s'y engouffra et lui apporta la senteur familière de ses pâtissalons. Il entendit un trépignement humain, des appels. Il vit la porte ouverte, s'imagina que la libre Camargue était là et le front haut, bondit et dehors, du bouvao. Note, bouvao, tauride, parc ou écurie où l'on enferme les taureaux et vaches de course, la bouvino, avant de les faire paraître dans l'arène. Fin de note. La porte se referma sur lui et un coup de trompette bref stria l'air. Il fit quelques pas, emporté par son élan, puis, ébloui par le soleil et par les cris saluant son entrée, il s'arrêta au milieu du plan et regarda autour de lui tout cela qui lui était inconnu. Note, plan, terre plane, place du village sur laquelle on donne généralement la course provençale. Le plan est fréquemment pris pour la reine villageoise. Fin de note. C'était la première fois où Sangar paraissait sur le plan des Saintes au milieu de l'arène rustique au pied de la vieille église crénelée, plus vieille que la religion. Note, l'église des Saintes Marie de la Mer était, avant d'être consacrée au Christ, un temple de Cybèle suivant les uns, de Mitra suivant les autres, du Soleil suivant quelques-uns et plus probablement de ces 3 dieux successivement, en commençant par le Soleil et en finissant par Cybèle qui fut détrônée par le Christ. Sa fondation paraît remonter plusieurs siècles avant l'ère chrétienne, sans doute bien avant l'arrivée des Romains en Camargue. Avant de porter son nom actuel, la petite ville camarguaise s'appelait Ratis, d'un mot gitan qui signifie « issu du sang », sans doute pour commémorer le sacrifice sanglant que l'on célébra lors de sa fondation. Fin de note. En bondissant d'un seul jet hors du bouvaou, Après cette détention entre quatre murs qui durait depuis le matin et qui lui paraissait si longue, il avait cru retrouver la liberté. Mais il n'en avait rien été. Tout autour de lui se fermait le cercle des murs, des charrettes et des barrières énormes qui lui interdisaient de courir vers son pâturage. Il n'avait fait que changer de prison simplement. Maintenant, il trottait de ci, de là, mugissant et meuglant, cherchant une issue au travers des charrettes où s'entassait le public ou des triples poutres parallèles entre lesquelles disparaissaient ses ennemis lorsqu'il les serrait de trop près. Car Sangar, du même coup qu'il s'était trouvé prisonnier, s'était, avec étonnement et colère, car il ne comprenait pas le pourquoi de leur haine, découvert une multitude d'adversaires. Il ne s'en était connu qu'un jusque-là, et encore, n'y mettait-il celui-là ni passion ni acharnement, et savait-il le protéger à l'occasion? C'était son gardien qui, sur le dos de son cheval blanc, intervenait aussitôt à coups de trident chaque fois où il commençait à se battre avec un de ses camarades. Mais maintenant, d'entre les roues des charrettes, du milieu des poutres, surgissaient à chaque moment des ennemis nouveaux. Ils venaient à lui et s'arrêtaient à quelque distance en frappant du pied et en criant, les bras étendus pour attirer son attention. Ils faisaient aussi de petits sauts sur place, comme des hérons, avant de prendre leur vol. Mais dès que Sangar, qu'ils énervaient par leur insistance déplacée, fonçait sur eux tête baissée, hop là, ils partaient en courant et se rejetaient instantanément, sans vergogne, dans les abris d'où ils étaient sortis. Le Ternen aurait bien voulu avoir le temps de s'arrêter et de regarder autour de lui pour examiner cette foule d'hommes et de femmes qui s'agitaient et qui criaient. Il ne savait pourquoi. Note Ternen, taureau dans sa troisième année, se dit aussi d'un cheval dans le même cas. Fin de note. Il ne se souvenait d'en avoir vu de semblable qu'une seule fois. C'était le jour de la ferrade, le jour néfaste où un homme l'avait terrassé et où on lui avait entaillé les oreilles et brûlé la cuisse. Il y avait 2 ans. Ah, il aurait fait beau voir aujourd'hui que le gros homme à la chemise rose vint le prendre aux cornes. Sangar avait grandi. C'était maintenant un beau taureau de 3 ans, un ternen aux longues cornes acérées, au front velu, à l'œil vif et furieux, à l'encolure puissante. Sous sa peau fine, aux poils noirs et serrés, courait le sang chaud de ses veines. Lorsqu'il cinglait l'air de sa queue nerveuse, l'air outragé et flagellé sifflait aigrement. Quand il mugissait, en grattant le sol du pied et en baissant le front, tous le craignaient, car il était fort et courageux. Cependant, les hommes s'agitaient autour de lui dans le plan et l'entouraient de leur énervant sautillement grotesque. Ils semblaient tous en vouloir particulièrement à son front velu et hirsute où la petite cocarde que le bey avait fixée tout à l'heure apparaissait éclatante au milieu des poils rudes. Ces hommes-là, dans leurs grimaces, dans leurs sauts, dans leurs contorsions, pour échapper aux coups de corne qu'il ne leur ménageait pas, tendaient vers lui des bras impuissants armés d'un ridicule crochet de fer. Note, sorte de crochet à 5 dents recourbées et coupantes que les raseteurs tiennent dans la main un doigt passé entre chaque dent afin de pouvoir plus facilement arracher la cocarde fixée sur le front du taureau et dont le tranchant des dents coupe la ficelle. Il cherchait à saisir la cocarde et pour ce faire heurtait son chanfrein et menaçait ses yeux de leurs griffes de métal. Il semblait à Sangar plus absurde que dangereux et il se mit rapidement dans sa tête de taureau de combat, sous son crâne de grand fauve armé pour la lutte, que c'était la raison d'être des hommes que de courir sus aux taureaux pour leur enlever leur cocarde et la raison d'exister des taureaux que de défendre celle-ci vaillamment. Il n'avait peut-être pas si grand tort que cela. Puis il ajouta une autre idée à cette première pensée. C'est que les relations et les échanges de vues entre les hommes et lui devaient se faire soit à coups de trident et de crochet en venant des hommes, soit à coups de corne en venant de lui. Trident, crochet ou corne, également cruel et aigu. Il nous faut avouer ici que si recevoir les pointes d'un trident sur le mufle ne lui paraissait pas chose des plus agréables, il avait par contre un plaisir inouï et une grande jouissance à fourrager des cornes entre les roues et les poutres, et encore bien plus était-il satisfait chaque fois où il sentait son arme naturelle froisser le flanc fugitif d'un raseteur. Note. Raseteur, homme qui descend dans le plan ou à reine des villages pour enlever la cocarde des taureaux. En principe, ce sont des amateurs. Dans la course provençale, le taureau est au milieu de l'arène avec la cocarde au front, les cornes nues. Va qui veut la lui enlever, à ses risques et périls. Cette course qui est dangereuse pour l'homme, sans autre défense que son agilité, est tout à l'avantage du taureau. C'est donc une très grossière erreur, trop souvent exploitée, que de prétendre qu'un taureau souffre dans une course provençale. J'ai fréquemment vu des hommes blessés et même tués, mais jamais un taureau. Comme il y a une prime pour quiconque enlève la cocarde et que pendant la belle saison, il y a des courses tous les jours dans un village ou un autre, certains font toutes les courses et s'arrangent de vivre avec le produit de leur victoire. Les raseteurs n'ont d'ailleurs pas de bien grand besoin car ce sont des gens fort simples. Fin de note. Du moment qu'il ne s'agissait plus que de batailler dans l'arène, Sangar, vite, en oublia sa captivité. La partie, en somme, tridents et crochets contre cornes, lui paraissait égale, donc intéressante à jouer. Lorsqu'il eut fait cette constatation et qu'il eut pris son parti de s'appliquer à bien jouer son jeu, Sangar changea d'allure. Il se calma. Il ne courut plus comme un fou, de droite et de gauche, frappant à tout propos et parfois hors de propos, dans le vide le plus souvent. Il décida qu'il convenait de mettre toutes les chances pour lui et de ne point se livrer ainsi au hasard des charges folles. Alors, il s'alla planter au milieu de la lisse, gratta le sol du pied, souffla et attendit l'attaque des hommes. Elle tarda à venir, car le peuple des raseteurs comprenait le travail qui se faisait dans l'âme de Sangar. Les hommes épars, tout alentour de l'arène, regardaient le fauve, torrent neuf, qui déjà se calmait et dès le premier contact avec la foule, se mettait en garde et choisissait son fort. Note. Son fort. Chaque taureau affectionne un point particulier de l'arène pour des raisons qui nous sont mal connues et où il préfère se tenir. Il semble s'y sentir plus en sécurité. Cet endroit, c'est son fort. En fait, il est plus dangereux d'attaquer un taureau dans son fort que partout ailleurs, probablement parce que ce point spécial de l'arène répond mieux à ses facultés. Les raseteurs le savent bien, et il y en a peu qui se risquent à provoquer un taureau dans son fort. Fin de note. On hésitait à l'attaquer à l'improviste sur son terrain. Sangar en profita pour regarder autour de lui ce qui se passait. Tout l'étonnait et tout ce qu'il ne comprenait pas lui paraissait comme une menace. Mais il estima plus sage de ne pas avoir peur afin de garder tous les avantages pour lui. Alors il devint curieux. Il aperçut sur le dessus de la prison où on l'avait enfermé et dont il reconnaissait la porte, le gros homme à la chemise rose, celui qui, jadis, il y avait 2 ans, l'avait terrassé un jour. Il était à côté du bail et d'un gardien, et il s'occupait avec des tridents à fourrager derrière le mur. Sangar allait chercher comment parvenir jusqu'à lui pour laver son ancienne injure, quand il perçut une course rapide sur son flanc. Cela le tira de sa contemplation. Il fit un bond sur place pour volter, un autre en avant, en frappant. Dans moins de temps qu'il n'en faut à une hirondelle pour s'envoler, d'un grand coup de corde, il atteignit en pleine course un raseteur imprudent qui avait cru le surprendre et l'envoya rouler en boule sous une charrette. Il le suivit curieux de le voir disparaître entre les roues et souffla de colère parce que l'homme lui avait décoché un coup de pied sur le nez. Il le croyait blessé, mais il fut bien étonné lorsqu'il vit son adversaire se relever de l'autre côté du véhicule et s'épousseter pendant que des femmes qui chargeaient la charrette poussaient des cris aigus, effrayées de voir le ternain fouiller des cornes sous la voiture. Il frappa les roues. Les cris de femmes redoublèrent, mais les roues qui résonnaient ne bougèrent pas. Il tenta de faire le tour de la charrette pour rejoindre son adversaire. Mais à côté de celle-ci, il y en avait d'autres qui ne laissaient nulle place entre elles, et le taureau ne pouvait atteindre son ennemi. Alors, il y renonça et revint se mettre en garde au beau milieu du plan, se promettant de ne plus insister lorsqu'un homme serait sous une voiture et, si possible, de l'atteindre avant. Tout d'un coup, il bondit. Quelque chose s'agitait devant lui. Ses cornes atteignirent cette chose mobile qu'il avait prise pour un homme. Et il s'arrêta étonné, en meuglant, car il avait frappé l'objet et n'avait rencontré que du vide. Le monde autour de la reine riait, parce que le garçon, qui lui avait ainsi présenté sa veste sous le nez, la faisait brusquement disparaître devant Sangar, ébahi, tellement qu'il n'insista pas. Le taureau retourna tout penaud prendre sa place au centre de la reine. Sa jeune expérience encore enrichie de cette constatation. Il fallait attacher une importance toute secondaire aux vêtements qui s'agitaient ainsi inconsidérément sous son nez et cherchaient plutôt à atteindre l'homme, fourbe et lâche, qui les faisait se mouvoir devant lui pour l'abuser. L'occasion ne tarda pas pour Sangar d'appliquer cette expérience toute neuve en mettant en défaut la duperie humaine. Encouragé par le succès de son camarade et jaloux des applaudissements qui avaient accueilli son geste, un jeune raseteur s'approcha avec un sac au bout d'un morceau de bois et le fit danser devant les yeux irrités du ternain, attentif et immobile. Celui-ci, au fond, ne savait plus trop, dans son irritation, lequel des deux, du sac ou de l'homme, faisait mouvoir l'autre. Les taureaux n'y voient pas très bien, sous un certain angle, et il lui fallut un moment pour discerner la véritable identité de son adversaire. Il reconnut le sac, il identifia l'homme, et quand il eut acquis la certitude qu'il recherchait, je vous assure que ce ne fut pas long. Négligeant le vain leurre, instruit par l'expérience, Sangar partit tête baissée, faisant voler la terre des quatre pieds à la fois, d'une masse visant l'homme. Autour du cirque s'éleva un grand cri et Sangar, de toute sa force, de tout son poids, vint frapper une des poutres derrière laquelle son ennemi glissait juste à temps pour éviter une blessure mortelle. Il y eut une bousculade derrière la barrière. Des femmes poussaient des cris aigus et il sembla bien à Sangar que la poutre qu'il avait frappée remuait. Il aperçut son adversaire qui fuyait derrière des femmes enjuponnées. Il courait aussi en criant. Le taureau poussa plus fort, la poutre oscilla, puis céda avec un bruit énorme et sourd. Alors Sangar bondit par l'ouverture qu'il venait de faire et se trouva libre, hors de la reine. De toutes parts, les gens fuyaient bruyamment, cherchant un abri. Il ne se souciait point d'eux. Devant lui, une rue s'ouvrait, lumineuse. Au loin, il voyait son pâturage, dont il reconnaissait les maigres tamaris, derrière une laune qui étincelait au soleil. Il y avait des branches qui s'agitaient à la brise marine, des martinets rapides et des hirondelles passaient en criant. Devant lui, c'était la paix, c'était la liberté. Une large bouffée de vent, toute chargée de senteurs salines, où il percevait l'odeur de chacune des herbes de la Camargue et celle si chaude des génisses de la Manade, s'engouffra dans la rue où il se trouvait. Il huma l'air et comprit tout son bonheur. Il était libre, libre enfin! Avant de s'en aller là-bas, il tourna la tête. Il vit le plan d'où quelques raseteurs couraient vers lui et son bêle et des gardiens en chemise éclatante et l'homme à la chemise rose, son premier et unique vainqueur. Il balança un instant s'il ne foncerait pas sur lui à toute vitesse, la corne basse et les yeux hagards pour venger son insulte ancienne. Il s'arrêta, fit quelques pas à sa rencontre, mais l'homme aussi s'arrêta. Sangar vit qu'il cherchait des yeux un abri où se cacher, si le taureau fonçait sur lui. Alors Sangar en eut pitié et honte, comme des autres. L'adversaire, qui n'osait pas l'affronter, ne l'intéressait plus. Il abandonna sa vengeance. Il tourna vers la plaine. Il s'en allait noblement, au pas, quand il baissa les yeux. À ses pieds, devant lui, sur le sol éclatant, marchait son ombre. Elle le précédait, couronnée de selles plus larges de ses cornes. Sangar la vit. Il en fut heureux et fier. À ce moment, il aperçut une autre ombre qui progressait aussi sur le sol, près de la sienne, et semblait la rattraper. Il la reconnut. C'était celle du trident de son gardien qui le poursuivait. Comme la sienne, cette ombre était couronnée par celle des cornes aiguës, mais elles étaient si petites, si frêles, que Sangar eut honte de lui-même. La disproportion entre les armes l'effraya. L'homme si faible et si mal armé qui marchait à lui n'était donc pas un lâche. Il se rappela ce qu'il avait appris le jour même. Les hommes et les taureaux, les cornes et les tridents, et ce pourquoi ils existaient, et ce pourquoi il avait des cornes. Mais le gardien le dépassa et commença à marcher devant lui en le regardant par-dessus son épaule. Puis il s'arrêta au milieu de la rue, se plaça et attendit, le fer en avant, la hampe bien calée au sol contre son pied gauche, prêt à arrêter la charge du ternel. Ses jambes écartées, couvertes de la peau de taupe fauve du lourd pantalon camargué, semblaient fermes comme des troncs de pin. Le fer était fixe et ne tremblait pas. L'homme n'avait pas peur. Il regardait le taureau dans les yeux, froidement et sans sourciller. Alors, Sangar s'arrêta. Il considéra cet homme qui l'attendait ainsi, sans émoi, son trident minuscule à la main. C'était un gardien, et il accomplissait son devoir de gardien. Et Sangar. Sangar était un taureau de combat. Alors il huma une large bouffée de brise saline, puis, posément, fit volte-face et s'en vint se replacer au milieu de l'arène où, paisible et puissant, prêt à faire sans lâcheté et sans faiblesse, son devoir de taureau de combat. Il attendit avec patience que les hommes de Provence vinssent faire le leur. Fin du devoir de Sangar.